Bonjour francophones, welcome to French Pod America. Bonjour chers amis, je m'appelle Amaury. We have an intermediate lesson. Won't tell you too much what it's about, we're going to listen to the dialogue. Oui. We have a couple at home having some dinner chats. Oui, et ça va être un plaisir de les rejoindre dans leur conversation. Yeah, let's eavesdrop a little bit, see what they're talking about. Oui. C'est l'été indien en ce moment au Québec. Je sais, j'ai vu un reportage à la télé. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est à cette période que les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Il paraît que la couleur des paysages est magnifique. Viens, on y va. Vraiment? Maintenant? Oui, comme ça on pourra faire des balades en forêt et assister nous-mêmes au changement de couleur des feuilles. D'accord. Oh, j'ai hâte d'y être. On pourra même voir le Saint-Laurent. Bien sûr. Viens, on réserve nos billets d'avion sur Internet. J'y crois pas. On va au Québec. They're going to Québec. Ils ont de la chance. Especially because the time of the year they're going. C'est l'été indien en ce moment au Québec. L'été indien. Oui. It's the same in English. And we'll be talking about that later in the podcast. Oui. About Québec and l'été indien là-bas. So the other one knows quite a bit about this, actually. Why? Parce qu'elle a vu un reportage. Where? À la télé. Attention! In French, make sure you say « à la télé ». Don't be speaking Franglish and using the word « sur ». Non. Because it's what we do, English speakers. So « à la télé ». En français, on regarde un reportage, un programme « à la télé ». Then he tells us a little tidbit about this l'été indien au Québec. Ça ne dure pas longtemps. It's pretty short. Et en plus, what? C'est à cette période que les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Which is a great time of the year. Bien sûr, ouais. Don't you love when les feuilles des arbres commencent à changer de couleur? Oui, ah, c'est magnifique quand elles commencent à changer de couleur. And apparently, au Québec, it's really magnifique. And we'll hear about that ouais. In a little bit. En fait, il paraît que... What? La couleur des paysages est magnifique. On retrouve ce mot, le paysage. Le paysage, in French, is like the whole scene. Oui. Everything you see, le paysage, when you're outside in nature. Can non. You say it in the city? Non. Ça concerne la nature, la campagne. Okay. So this gets pretty spontaneous. Carrément, puisqu'il dit tout d'un coup, viens, on y va. Let's just go there. C'est un peu impulsif comme réaction. But that's pretty cool. Ah, bien sûr, ouais. It's carpe diem, right? You only live once. Mais je comprends quand même la prochaine réaction. Vraiment, maintenant? Right this second? C'est maintenant que c'est joli, que c'est magnifique. Yeah, because if we go maintenant, comme ça, what can they do? On pourra faire des balades en forêt. Faire des balades, what does that mean? C'est se promener. It's to take some strolls. Oui. Faire des balades. Walk around where? Ici, en forêt. Okay. So why do you say en forêt? Parce que c'est l'expression faire des balades en forêt. So it's a whole fixed expression. Voilà. Because in France, you guys walk around the forest a lot. Ah, il y a beaucoup de forêts dans certaines régions. Okay. So you have a whole fixed expression. And au Québec, be a pretty cool place to do that. Carrément, puisqu'on a vu que avec la couleur des feuilles qui commencent à changer, et comme ça, ils pourront assister eux-mêmes au changement de couleur des feuilles. So first of all, the color change. Le changement de couleur. Of what? Des feuilles. What is their action related to this? Assister au changement de couleur des feuilles. Okay, but they're going to be able to do it for themselves. See for themselves. On pourra assister nous-mêmes au changement de couleur des feuilles. And you, Amaury, tu as déjà assisté toi-même au changement de couleur des feuilles au Québec? Non, Erika, je n'ai jamais assisté moi-même au changement de couleur des feuilles au Québec. Moi non plus. But we're going to have a special guest later qui a assisté lui-même au changement de couleur des feuilles. Ouais. So, patientez. Et donc, ce n'est pas difficile de la convaincre. Yeah, because now all of a sudden, like, whoa, we're going to have an unexpected vacation. That's so great. Ils disent, j'ai hâte d'y être. Okay, so avoir hâte de do something. So, elle a hâte d'être au Québec. So, elle a hâte d'y être. Donc, on peut avoir d'autres exemples avec avoir hâte de. OK. Donc, là, j'ai hâte de rentrer chez moi. Why? Parce que je suis fatigué. Oh, OK. Moi aussi. Toi aussi. J'ai hâte de rentrer chez moi. Mm. And I'm going on vacation soon to visit my home. And oh, j'ai hâte d'y être. Je te comprends, Erika. Can't wait. J'ai hâte d'y aller. T'as hâte d'y aller? J'ai hâte de voir toute ma famille. Je comprends. T'as hâte de partir. J'ai hâte de partir. Oh. Et j'ai hâte de continuer the analysis of this dialogue. So let's find out what the last adventure on the itinerary for them is going to be. Donc, ils pourront même voir le Saint-Laurent. The St. Lawrence River. Mm-hmm. You guys call it le Saint-Laurent. Ils pourront même voir ça. Attention, in French, you have to use, when you're talking about something we can do in the future, you can't say the present for can, you have to use pourra, pourront. Et on doit utiliser le futur parce que ce sont leurs projets. Right. Et comme tu viens de le dire, on ne peut pas utiliser le présent. So, ils pourront faire des balades, ils pourront assister au changement. Ils pourront même voir le Saint-Laurent. Voilà. Because it's in the future. Ouais. Mais maintenant, ce qu'ils peuvent faire, yeah, c'est réserver leur billet. That's right. Where? Sur Internet. Okay. And then she says, wow. Je n'y crois pas. So let's listen to that dialogue one more time, and then we'll come back with a special guest. C'est parti. C'est l'été indien en ce moment au Québec. Je sais, j'ai vu un reportage à la télé. Ça ne dure pas longtemps. Et c'est à cette période que les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Il paraît que la couleur des paysages est magnifique. Viens, on y va. Vraiment? Maintenant? Oui, comme ça on pourra faire des balades en forêt et assister nous-mêmes au changement de couleur des feuilles. D'accord. Oh, j'ai hâte d'y être. On pourra même voir le Saint-Laurent. Bien sûr. Viens, on réserve nos billets d'avion sur Internet. J'y crois pas. On va au Québec. Okay, we're back. We have a special guest in the studio today. It's Leo from Spanish Pod. Hello. C'est un plaisir de t'accueillir, Leo. Merci. Now, something you might not know about Leo is he's like a fantastic, fluent French speaker. Well, I try my best. I lived in Quebec for about 6 years. C'est pour ça, ne sois pas modeste. J'ai fait mon mieux, mais mon français n'est pas parfait. And your French is really Quebec also. Yeah, Québécois. I really have the Quebec accent. Donc, c'est là que tu as appris, pas en France. Ouais, j'ai tout appris à Québec. How much time did you spend there? 6 années. Wow, that's six lovely. Years. Ce qui est très bien pour la leçon d'aujourd'hui. Exactly. So you got to experience 6 times l'été indien au Québec. Yeah, l'été indien. It's a really nice time of the year because we just had the first freezing days, you know, when temperature goes below zero. And then out of the blue, you have these blue skies and the temperatures go up a little bit. It feels like the summer a little bit, even though the trees are letting the leaves go down, you know, so the colors are like red and orange. C'est toujours à la même période, toujours à la fin du mois de septembre. C'est pas toujours à la même période. It's not always at the same time. Sometimes you might have it like in the beginning of October, late September. But the rule here is 3 days or more of sunny days, high temperatures, after a few days of cold temperature, you know. So it gets cold first. Yeah. It happens every single year. It's, yeah, I was reading about it actually, because you guys told me I was going to talk a little bit about this. And it's, yeah, it has some scientific explanation, something about the winds coming from the north. And there's, you know, like different masses of air coming. So it's like a space between two masses of cold air coming from the north or something like that. Oh, wow, bonsoir. Yeah. And it does happen almost every year. Okay, wow. Une explication scientifique extraordinaire ici pour les auditeurs de French Pod. And it's the same time that you have le changement de couleur. Oui, le changement de couleur à Québec, c'est formidable, c'est vraiment trop beau. It's really nice. If you ever have the chance to go in October to Quebec, just do it, because it's wonderful. Les feuilles restent de cette couleur pendant un petit bout de temps quand même, ça. Ça reste pas longtemps. Ah bon? Je dirais 2 semaines. D'accord. Mais... 2-3 semaines, au moins max. Ça dépend, parce que des fois, il commence à faire vraiment froid, hein, juste d'un coup. Pouf. Il fait chaud. Et juste rien, ça commence à faire froid, les feuilles commencent à tomber et c'est tout. And it's finished. Then there's no leaves at all. So was that your favorite time of the year in Quebec? It is actually. It's the time when we start, when we come back to school. You know, it's like the beginning of the school season. Mm. So everybody's happy of coming back to school. Then after a few months, you start having exams and everything's back to normal, you know? On doit y aller alors, Rick. On va demander pour organiser une leçon de French Pod à Québec. Yeah. Pour l'été indien. Oui, on devrait, hein? Yeah, we're going to have to make that happen. Thanks so much, Leo, for coming by and letting us know. Oh, no problem. Merci beaucoup. We'll be sure to have you come back and have more stuff about Quebec. Tell us Merci. All the exciting things about it. Merci. À la prochaine. And to the French Pod listeners, you can come to FrenchPod.com if you have any questions. Or you want to talk about Quebec? Partagez vos opinions, partagez vos expériences. Right, so, merci. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine.